Le seul ami qui me comprend. Le seul ami qui me comprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Surtout quand l'ennemi me surprend. Le seul qui peut me dire je t'aime. Quand près de moi on crie la scène. Sa parole me renferme. Sa parole me renferme. Sa parole. Comme devant l'épreuve, je succombe. Comme devant l'épreuve, je succombe. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Pendant que l'épreuve creuse ma tombe. Jésus m'est dans. Éternel. Alléluia.